Embrasse-moi bien fort maintenant, parce que toi, tu partiras très loin d'ici. Et pas toujours, baisse-moi déjà. Diferentes, tus labios tienen.